Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu aimbariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Père céleste, Papa wa kumbingu, encore une fois de plus, nous venons en ta présence. Mara tena tunakuja muwepo wako. Pour te dire merci. Jua kuambia asante. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Asante juu ya afya njema unatupatia. Merci parce que nous a donné la force de venir ici. Asante juu unatupatia nguvu ya kufika pa hifadhi. Et toutes ces choses, c'est le résultat de l'œuvre du calvaire. Na hivi vyote ni matokeo ya kazi ya kumsalaba. Seigneur, assiste-nous. Bwana utusaidie. Accorde-nous un entendement meilleur en toutes choses. Utupatie kusikiliza kuzuri mukila kitu. Et élève-nous en Jésus-Christ. Na utunyanyue ndani ya Yesu Kristo. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila nduku na kila dada. Reçois notre louange comme une offrande de bonne odeur. Upoke masifa yetu sawa sadaka ya harufu njema. Début à la fin soit glorifié. Mwanjo na mwisho utukuzwe. Bénis la parole. Ubariki neno. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 9. Mon Danieli sura ke ya 10. J'espère que chaque sœur, chaque frère qui sait lire a reçu ce petit document. Nawazia kila ndugu na kila dada ula najua kusoma. Tu peux mettre sa main en l'air. Ula sikupoke hii cheti anaweza kunyosha mkono juu. Dake nono, tu peux distribuer ce que vous avez. Shemashi nono, unaweza ukabula ile una baki nayo. Vous récupérez d'autres copies sur mon bureau. Uchugue makartasi ingine inabakia mu ofisi yangu. Dans Daniel au chapitre 9. Mu Danieli sura yake ya 9. Je commence au verset 22. Minanzia mstari ya 22. Nous irons jusqu'au verset 26. Tutafika na mstari ya 26. Mettez vos mains en l'air pour qu'on vous donne. Basipokuwa na makartasi munyolshe mikono yenu juu ili vapati kumika poria. Bien que j'ignore, tu peux récupérer d'autres sur mon bureau. D'autres copies. Sur mon bureau. Nous lisons. Tukunasoma. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Akanifundisha na kisha akaongea nami. Il me dit. Akaniambia. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Danieli, minakuja sasa juu kufungua akili. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Wakati ulianza kuomba, neno moja ilitoka. Et je viens pour t'annoncer. Na minakuja juu nikutangazie. Car tu es un bien-aimé. Kwani ukumpendwa. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Upate kuteka sikio kuneno na upate kuelewa ono. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba bariweka yulu ya taifa yako na yulu ya muji yako takatifu. Pour faire cesser les transgressions. Juu ya kusimamisha kuvunja kwa sheria. Et mettre fin au péché, na kumaliza zambi, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour rendre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends, na uelewe. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, tangia wakati ile neno ilitangaza ya kwamba Yerusalemu bataiengulula, jusqu'au Messie au conducteur, kufika na kumasia kiongozi, il y a 16 semaines et 62 semaines. Kuna kuwa majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mabiwanza na mashimo bataitengeneza lakini mwa nyakati ya mbaya. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Tu n'as pas vu le diacre Junior, tu n'as pas vu les copies, il y en a beaucoup. Ce que tu as pris, ce n'est pas ce qui était destiné à distribuer. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Léo Nisiku Yaupeke. Rien que pour faire la récapitulation des choses que nous avons déjà dites jusque maintenant. Manaki ni siku ile tutarudiria tu mubitu bile tulisema kufika na leo. J'aimerais que chacun de vous ait la pensée fixée sur les 70 semaines de Daniel. Minapenda kila mmoja wenu apate kuwa na wazo yenye kueneana yulu ya majuma makumi saba ya Danieli. Bien que nous touchons des points différents, atawa vile tuko nasema ako manukta ya kuachana chana, mais dans notre objectif, alakini mukifukuzio yetu, nous voulons que chacun de vous saisisse cet enseignement. Tunapenda kila mmoja wenu apate kushika hii mafundisho. Lorsque nous faisons un pas en arrière, wakati ile tunarudi kwanza nyuma, nous faisons un pas en arrière, tunarudi kwanza nyuma, pour aider tout le monde à bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu a kusaidia kila mtu apate kuelewa mzuri nyenye tunasema. Et après cette récapitulation, kisha kurudia nyuma, nous serons maintenant obligés d'avancer encore. Sasa tutalazimisha tusonge mbele. Avant de parler des 70 semaines de Daniel, bele ya kusemezea yulu ya majuma makumi saba ya Danieli, nous avions parlé des 70 années de Jérémie. Tulisemea kwanza yulu ya miaka makumi saba ya Danieli. Et nous avions dit ceci. Ya Yeremia. Na tulisema hivi. Les 70 années de Jérémie, miaka makumi saba ya Yeremia, parle de la captivité des Juifs à Babylone. Inasemea yulu ya kufungwa kwa Bayuda na kupelekwa kule Babeli. Mais tandis que les 70 semaines de Daniel ala parle du salut d'Israël. Alakini majuma makumi saba ya Daniel inasemea yulu ya wokovu ya Israeli. Les deux choses là, nous devons les différencier et les retenir une fois pour toutes. Ibi vitu biwili tunapashi kubiachanisha mzuri na kubishika mzuri. Bien que là, dans l'accomplissement de ces prophéties, il y a certaines choses qui se lient ensemble. Hata vile maunabi ya vitu biwili kuku vitu bimoja vinaweza kuungana kupatana. Mais il ne faut jamais confondre les 70 années de la captivité du royaume de Juda à Babylone et les 70 semaines de Daniel qui parle du salut d'Israël. Haipashi kama kufurudika yulu ya miaka makumi saba ya Jeremia yenye kusemea kufungwa kwa Israel kwenda kubadili na majuma makumi saba ya Daniel yenye kusema yulu ya wokovu ya Israel. Les 70 semaines de Daniel expose le plan du salut pour Israël. Tulisema ya kwamba majuma makumi saba ya Danieli inasemea yulu ya mapla ya wokovu ya Israeli. Et lorsque nous avons parlé des 70 années de Jérémie, wakati ile tulisema yulu ya miaka makumi saba ya Yeremia, nous vous avions lu dans Jérémie au chapitre 25, tulisomea mu Yeremia sura makumi mbili na tano, qui parle de la prophétie qui annonçait la captivité des Juifs. Yenye kusemea yule ya matabiri ile ilikuwa inatangaza kufungwa kwa Bayuda. Dans 2e chronique au chapitre 36, Mambo ya siku ya pili sura 36, dans le verset 11 à 21, Musare ya 11 kufika 21, que nous avions lu en son temps, ile tulisoma mu wakati yayo, nous avons parlé tulisema du début de la captivité yule ya mwanzo ya kufungwa et de l'accomplissement de Jérémie 25. Na tulisemea tena yule ya kutimilika kwa Yeremia sura 25. Qui commença en l'an 606 avant Jésus-Christ. Il ilianza mwaka 606 mbele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Les 606, 606, c'est le début de la captivité. Jo mwanzo ya kufungwa kwa Israeli. Et l'accomplissement de Jérémie 25. Na kutimilika kwa Yeremia sura 25. Nous avons montré à son temps tulionyesha mwakati yayo que la captivité des Juifs à Babylone, ya kwamba kufungwa kwa Bayuda kupelekwa Babeli, qui était prédite par Jérémie, ile walitangulia kutabiri kwa Yeremia, avait duré 70 années, iligawia miaka 70, c'est-à-dire manake de l'an 606, kuanzia mwaka 606 à l'an 536 avant Jésus-Christ. Kufika na 536 mbele ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Arrivé en l'an 538. Kufika mu mwaka 538. 68 ans après la captivité, Miaka makumi sita na mnane kisha kufungwa kwa Bayuda. Nous avons parlé de la vision de Daniel qui se trouve dans Daniel au chapitre 9. L'écriture qu'on venait juste à peine de lire dans l'introduction et qui annonçait les 70 semaines de Daniel en 538. Après 68 ans de captivité, la vision vint à Daniel dans Daniel au chapitre 9 pour annoncer les 70 semaines de Daniel. Arrivé en 536, 2 ans plus tard, après que Daniel eut ses visions à Babylone, c'est la fin de la captivité qui avait été annoncée par Jérémie et la sortie des Juifs sous l'ordre de Cyrus, roi des Perses. Na kutoka kwa Bayuda chini ya ongozi ya Cyrus mfalme wa Persia. En l'an 536, mwaka wa 536, deux ans plus tard, miaka mbili kisha, après que Daniel eut ses visions à Babylone, kisha Daniel kupata ima ono yake mule mbabeli, c'est la fin de la captivité annoncée par Jérémie, jo mwisho ya bufungo ile litangaziwa na Yeremia, et la sortie des Juifs sous l'ordre de Cyrus, roi de Perse. Na ya kutoka kwa Bayuda chini ya ongozi ya Cyrus mfalme wa Perse. Et nous vous avions dit, na tulimiambia tena, que cette sortie de la captivité s'est accomplie en trois phases. Ya kwamba huku kutoka mbufungwa kulifanika mubipande tatu. Il y a eu un, la première expédition, kwanza kwanza kulikuwa kutoka kwa kwanza, sous Josué et Zorobabel, chini ya ongozi ya Yoshua na Zorobabel, qui avait comme mission, bali balikuwa na kazi, reconstruire le temple, ya kuenda kuyengulula ekalu. Il y a eu une deuxième expédition, kulikuwa kutoka kundi ya kutoka ya batu bapidi, sous la conduite d'Ezra, chini ya ongozi ya Ezra, mais avec mission, lakini na kazi, d'instruire le peuple, ya kuenda kufundisha watu. Il y a eu la troisième expédition, kwa kundi ya watu walitoka watatu, avec Néhémie, pamoja na Néhémia, avec commission, na kazi, la reconstruction de la ville, ya kuenda kuyengulula muji. C'est ainsi que s'accomplit, jomu ina muna kulitimilika, la sortie kutoka des Juifs de Babylone. Wa Bayuda mule mubabeli. Première expédition sous Josué et Zorobabel, chini ongozi ya Yoshua na Zorobabeli, avec mission reconstruire la ville et reconstruire le temple. Na kazi ya kuenda kuyengulula ekalu. Deuxième expédition avec Ezra, kundi ya pili ya bali walitoka na Ezra, avec commission instruire le peuple ya kufundisha watu. Troisième mission, na kundi ya tatu, de Néhémie, ya ongozi ya Néhémia, sous la troisième expédition, kundi ya kutoka kwa tatu, mais avec une mission, lakini wao walikuwa na kazi, de reconstruire la ville, ya kuenda kuyengulula muji. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous avons évolué. Tuliendelea. Nous avons montré à l'église, tulionesha kukanisa, que les 70 mains de Daniel, ya kwamba majumba makumi saba ya Danieli, parle de 6 buts, inasemea yule ya vifukuzio sita, pour la nation juive, kwa ajili ya taifa ya Wayuda, afin d'atteindre son salut complet, ili Wayuda wapate wokovu yabo yenye kueneana. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, tangia tulianze hii mafundisho, on n'a pas encore parlé de 6 buts. Atuyasemezea yule hii vifukuzio sita. Et pour atteindre le salut complet d'Israël, jua kupata okovu yenye kueneana ya Bayuda, ya Israeli, pour la nation juive, kwa ajili ya inchi ya Bayuda, les 70 mains de Daniel ont annoncé 6 buts. Majuma makumi saba ya Danieli ilitangaza hivi vifukuzio sita. Et ces 6 buts sont, na hivi vifukuzio sita ni, 1, ya kwanza, cesser les transgressions d'Israël, kusimamisha kufunja kwa sheria kwa Israeli. 2, ya pili, mettre fin au péché d'Israël, umaliza zambi ya Israeli. 3, ya tatu, expier l'iniquité d'Israël. Uondoa uovu wa Israeli. 4. Ine. Amener la justice éternelle d'Israël. Uleta uwaki wa milele wa Israeli. 5. Tano. Sceller la vision et les prophètes d'Israël. Utia muri ono na yulu ya nabii wa Israeli. Et 6 est le dernier, na ya sita na ya mwisho, oindre les saints des saints, kumpaka mafuta mutakatifu wa watakatifu d'Israël, wa Israeli, que nous trouvons effectivement dans Daniel 9, ile tunakuta mu Danieli sura 9, dans son verset 24, mustari ya makumi mbili na ine. Nous avons dit ceci, tulisema hivi, les 70 mains de Daniel, majuma makumi saba ya Danieli, sont divisés en 3 étapes. Bana igawanya mu vipande tatu. Nous avions montré, tulionesha, qu'il y a d'abord 7 semaines, kwanza kuku majuma saba, qui sont égales à 49 semaines, yenye kwa pamoja na majuma makumi ine na kitisa, il y a la deuxième partie, 62 semaines, kipande ya pili majuma makumi sita na mbili, qui font 434 années, et enfin il y a une semaine ine ya miaka, kisha qui est égale à 7 ans. Yenye kwa pamoja na miaka saba. Et nous avions dit ceci. Na tulisema hivi. Dans Nombre au chapitre 14. Mwesabu sura 14. Dans son verset 34. Mstari wa 13 na 4. Et dans Ézéchiel 4 verset 6. Na Ézéchiel 4 sura 6. Il est parlé du jour prophétique. Banasemeze amo yulu ya siku ya unabii. Les semaines ici dont on parle, imajuma yenyewe banasemea, ce sont les semaines prophétiques. Imajuma ya unabii. Et selon les écritures que je viens de citer, na kufuatana maandiko inatoka mkusema, un jour prophétique, siku moja ya unabii, est égal à une année. Iko hivyo hivyo na mwaka mzima. Donc dans une semaine, il y a 7 jours. Manake mujuma mzima mungu. Donc les 7 jours. Manake siku saba. Égal à 7 années. Iko pamoja na miaka saba. C'est pourquoi. Joko mana. Comme nous l'avions montré autrefois. Vile tulionesha zamani. Et vous le verrez dans les documents que vous avez entre vos mains. Utaiona umakartasi tunamikabisi. Les 7 semaines fois 7. Majuma saba kujumulisha na saba. Ça nous a donné les 49 années. Inatupatia miaka makumi ine na tisa. Le 62 fois 7. Majuma makumi sita na mbili kujumulisha na saba. Inatuletea mia ine makumi tatu ya miaka. Juma moja kujumulisha na saba. Ça nous a donné 7 ans. Inatupatia miaka saba. C'est ainsi que nous vous avions montré ces jours prophétiques. Ne mui namna tulimionesha ima siku ya unabii. Et les trois parties na vipande tatu des 70 semaines de Daniel. Ya majuma makumi saba ya Danieli. Et nous avons évolué pour vous dire ceci. Tuliendelea tena na kumiambia hivi. En 400 en l'an 445, mumwaka wa 445, le roi Artaxerxès, uyu mufalume Artaxerxès, donne l'ordre de rebâtir la ville de Jérusalem. Arleta gizo ya kuyengulula muji ya Yerusalema. C'est ce que nous lisons dans Néhémie au chapitre 2 verset 1. Joele tukunasoma mu Néhémie sura 2 mstari 1. Et nous vous avons dit, tulimiambia, que c'est en 445, ya kwamba ni mu 445, après que le roi Artaxerxès, kisha huyu mfalme Artaxerxès, ait donné l'ordre de rebâtir la ville de Jérusalem, kisha kuleta agizo ya kuyengulula mji wa Yerusalemu, que commence le début des 70 semaines de Daniel. Mwaka njo munaanza mwanjo ya majuma makumi saba ya Danieli. Le début des 70 semaines de Daniel. Mwanjo ya majuma makumi saba ya Danieli. Commence inaanzia à l'an 445. Mwaka 445. Si vous faites les calculs, mukifanya mahesabu, c'est exactement après 91 ans. Manake nikisha miaka après makumi que tisa les na moja. Juifs soient sortis de Babylone. Kisha bayuda mao kutoka mubabeli mufungwa. Et nous avons dit de noter ceci. Tulimiambia mushike hii. Depuis l'ordre de rebâtir la ville en 445 jusqu'à la mort de loin du Messie. Tangia barileta agizo ya kuyengulula muji mu 445 kufika na mukufa kwa Masia. Ia 7 semaines et 62 semaines. Napita majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Les 7 semaines plus les 62 semaines, ça fait 69 semaines. Majuma saba kuchanga na majuma makumi sita na mbili inaleta majuma makumi sita na tisa. Quand vous prenez les 69 semaines fois 7, ukichukua majuma makumi sita na tisa kujumulisha na saba, nous avons 483 années. Tunapata 483 ya miaka. Et remarquez bien ça amène mzuri que le 69 semaines s'accomplissent exactement avec la mort du Messie. Donc d'après Daniel chapitre 9, dans son verset 25 à 26, la mort du Messie à la croix accomplissent exactement les 69 semaines qui font exactement 483 années. Et ça c'est d'après Daniel 9, verset 26. Les 483, ce n'est pas jusqu'à la naissance du Messie, non. Les 483 s'accomplissent exactement avec la mort du roi, la mort du Messie, la mort du conducteur au calvaire. En avril 445, début des 70 années de Daniel, Néhémie 2, Néhémie chapitre 2, verset 1 à 20, comme nous l'avions déjà montré, parle du début de la reconstruction de Jérusalem. Vous voyez. Munaona. Mais maintenant regardez. Sasa, tazameni. Le temple serait reconstruit en 7 semaines. Ekalu bali jenga mu majuma saba. Devait être reconstruit. Il ripache kujengululwa. Ekalu ripache kujengululwa. Devait être reconstruit. Il ripache kujengululwa. Dans 7 semaines, c'est-à-dire kadiri ya majuma saba. Dans 9 ans. Manake mu miaka 49. Lorsque nous prenons 7 fois 7. Mais lorsque nous prenons dans Jean au chapitre 2, cette écriture je ne l'ai jamais lue, dans Jean au chapitre 2, vous pouvez commencer au verset 19 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 2. Yohane wabari njema sura mbili. Jusqu'au verset 20. Manake ni kufika kumsari ya makumi mbili. Mais vous pouvez aller jusqu'à la fin au verset 25. Munawezi kufika hadi mwisho umusari ya makumi mbili na tano. Alors pour aller un peu plus vite, kwenda haraka, je prends le verset 17. Nachukua msari ya kumi na saba. Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. L'Égypte prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus lui répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le révélerai. Verset 20. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi en 3 jours, tu vas le révéleras. Mais il parlait du temple de son corps. L'Égypte parle de 46 ans de la reconstruction du temple. Nous vous avons dit que d'après Kufuatana. Ezra chapitre 3, verset 8 à 13, Ezra chapitre 4, verset 1 à 24, Ezra chapitre 5, verset 1 à 17, les travaux furent interrompus pendant 3 ans de guerre. Majengo ya hekalu ilisimamishwa kadiri ya miaka 3 na pande. Maintenant, lorsque nous prenons les 46 ans ici, tukichukua hii miaka 46 que les Juifs sont en train de brandir à Christ, ile wa Yuda wanamuonesha Kristo, plus les 3 années uchangamo na miaka 3 qui avait interrompu les travaux de la reconstruction du temple, ile walisimamisha majengo ya hekalu, ça fait exactement 49 ans kabisa miaka qui font les premières 7 semaines jo inaonesha majuma ile ya kwanza dans, saba. Dans les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi saba ya Danieli. Arrivé maintenant en avril l'an 33, ufika mwezi ya ine mwaka wa makumi tatu na tatu, nous avons parlé, c'était la date de la mort de Christ. Injo tare ya kufa kwa Masia. Et les 69 semaines se sont accomplies. Na majuma makumi sita na tisa ilienea. Maintenant suivez très bien. Sasa mufate mzuri. Après la mort de Jésus-Christ, kisha kufa le Messie Yesu loin, Christo, Masia wala mpakaliwa mafuta. Il y a 3 conséquences que vous devez retenir et noter. Kuku matokeo tatu ile munapashi kushika. Après la mort du Messie, kisha kufa kwa Masia, il y a 3 conséquences que vous devez retenir et que vous devez noter. Kuku matokeo tatu ile munapashi kushika na kuiandika. En d'autres termes, namna nyingine ya kusema, la mort du Christ, kufa kwa Kristo, après les 69 semaines de Daniel, kisha kutimilika majuma makumi sita na tisa ya Danieli, a produit 3 conséquences. Ilileta matokeo tatu. Quelles sont ces 3 conséquences? Ile matokeo tatu ni nini? Vous qui écrivez. Ninyi wenye kuandika. Première conséquence. Ya kwanza. Les 70 semaines de Daniel, majuma makumi saba interrompu ya Daniel ilisimamishwa à la 69e semaine. Mujuma ya makumi sita na tisa. Ça c'est la première conséquence. Ile ni tokeo ya kwanza. La mort de Christ, kufa kwa Kristo, a interrompu kurisimamisha les 70 semaines de Daniel, majuma makumi saba ya Danieli, à la 69e semaine de Daniel, kufika majuma makumi sita na tisa ya Danieli. C'est la première conséquence. Ile ni matokeo ya kwanza. Deuxième conséquence. Ya pili, Israël rejeta harikata son Messie, Masia wake. Deuxième conséquence. Il est matoke ya pili. Et troisième conséquence. La ya tatu. Le salut. Wokovu. Est allé maintenant. Inaenda sasa. Vers les nations. Watu wa mataifa. L'Église est avec moi. Kanisa inanifuata. Il faut bien retenir. Inapashi kushika mzuri. Ces 3 conséquences. Ni matokeo tatu. Et j'insiste là-dessus, vous qui écrivez. Inaweka hapo mkazo. Nini wenye kuandika. La mort de Christ nous a amené 3 conséquences. Kufa kwa Kristo kunatuletea matokeo tatu. La première conséquence. Ya kwanza. Les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi furent interrompues. Ya Danieli isimamishwa. À la 69e semaine. Juma ya makumi sita na tisa. Et après que les 70 semaines soient interrompues, deuxièmement, Israël lui-même, Israël yeye mwenyewe, rejette son Messie. Anamkataa Masia wake. Troisième conséquence. Matokeo ya tatu. Le salut wokovu est allé maintenant inaenda sasa vers les nations. Watu wa mataifa. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous lisons. Jo ile tuku nasoma. Dans Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume, au chapitre 13, sura 13, Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume, au chapitre 13, sura 13, dans son verset 46, Musari ya makumi ine na sita, jusqu'au verset 48, kufika na musari ya makumi ine na mnane. Nous pouvons lire cela. Unawezi kuisoma. Parce que c'est très important. Surtout que j'ai fait la récapitulation. À Actes des Apôtres chapitre 13, verset 46 à 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers le païen, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, qui était établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Lorsque nous prenons Acte 15, dans son verset 13 jusqu'à 17, et les Pierre, Jean, Jacques, Petro, Yohane et Jacobo. Voyez, Jacobo. On dit, walisema, lorsqu'ils eurent cessé de parler, wakati waliacha kusema, Jacques prit la parole et dit, Jacobo alichukua sauti na kusema, homme frère, écoutez-moi, watu wandugu munisikie. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, Simon a réadissé à namuna kani Mungu alitupa macho yake kumataifa, pour y choisir d'elle un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses à qui elles sont connues de toute éternité. Dans Matthieu au chapitre 21, Matthieu au chapitre 21, dans son verset 43, c'est Jésus lui-même qui dit aux Juifs: c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Itapewa na mataifa ingine ile itatoa matunda. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, c'est très très très important pour que vous puissiez saisir ces 70 semaines de Daniel. Ili mupate kushika hii majuma makumi saba ya Danieli. En avril 33, à la mort de Christ, les 69 semaines se sont accomplies, mais il y a trois conséquences de la mort de Christ qui sont: premièrement, les 70 semaines de Daniel sont interrompus. Kwanza ni majuma makumi saba ya Daniel ilisimamishwa. À la 69e semaine. Majuma makumi sita na tisa. Deuxièmement, ya pili, Israël rejeta son Messi. Israël anamkata masia wake. Et troisième conséquence, na matokeo ya tatu, le salut maintenant va vers les nations. Wokovu sasa inaenda kwa mataifa. Mais après le salut des nations, kisha wokovu ya mataifa, Dieu a promis de retourner de nouveau à Israël. Mungu alilaka kwamba tarudi tena ku Israeli. En d'autres termes, namna nyingine ya kusema, après le salut des nations, kisha wokovu ya watu wa mataifa, Israël sera de nouveau sauvé. Israël naye ataokolewa tena. Vous voyez? Mnaona? Parce qu'il n'a pas épuisé ces 70 semaines. Wani Israël a chia maliza majuma makumi saba yake. Les 70 semaines ont été interrompues à la 69e semaine. Irisimamishwa mu majuma makumi sita na tisa. Et le salut est allé chez les nations. Na wokovu ilienda sasa kwa mataifa. Quand le temps des nations sera terminé, wakati pale ya mataifa tamalizika, après le salut des nations, kisha wokovu ya watu wa mataifa, Dieu est obligé de retourner de nouveau à Israël. Mungu analazimisha rudie tena kwa Israeli, lui accorder le salut, ya kumpatia wokovu, pendant la dernière semaine qui était restée au 69e semaine, mwile juma moja, au 69e semaine, mwile juma moja ilibakia kuile majuma makumi sita na tisa, pour faire les 70 semaines. Juu ya kuenesha majuma makumi saba. C'est ce que Jérémie confirme. Jo ile Jérémie anakikisha. Parce qu'il ne faut pas oublier cela. Kwani mushisau. Bien que je n'ai pas encore dit ces choses-là. Hata vile mishasema yule elebito. Dans Jérémie au chapitre 31. Jérémie sura makumi tatu na moja. Commençons dans son verset 31. Tuanzie makumi tatu na moja. Vous pouvez aller jusqu'au verset 37. Ici, c'est Dieu qui promet qu'il retournera certainement à Israël pour lui accorder le salut. Lisons Jérémie 31. Verset 31 à 37. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, tazama masiku kunakuja hivi wa milele anasema, où je ferai avec la maison d'Israël, ile mtafanya pamoja na nyumba ya Israele, et la maison de Juda, na nyumba ya Yuda, une alliance nouvelle, tafanya nabo agano mupya, non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père, apana sawa ile agano naritenda na baba zao, le jour où je les saisis par la main, il est si qu'il est arrivé à chica comme mkono, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je vais kubatosha muinchi ya Misri. Alliance qu'ils ont violée. Il est agano wao walivunja. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Atavile alikuwa bwana wabo hivi wa milele anasema. Verset 33. Makumi tatu na tatu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Alakini tazameni agano ile tafanya na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, kisha ile masiku hivi wa milele anasema, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Mimi nitaweka sheria yangu ndani yabo. Je l'écrirai dans leur cœur. Taiandika ndani ya moyo wabo. Et je serai leur Dieu. Na nitakuwa Mungu wabo. Et ils seront mon peuple. Na wao watakuwa taifa yangu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Mmoja atafundisha jirani. Ni celui-là son frère en disant, wala mwingine kufundisha ndugu yake na kusema, connaissez l'Éternel. Umjue wa milele. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 35. Ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mijir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël, kizazi ya Israeli nakyo, cessera, la race d'Israël aussi, kizazi ya Israeli nakyo, cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Nakyo kumbi vile vile kitashimama kwa lote kikose kuwa taifa. Retenez bien le verset 36. Hein? Mushike mzuri tai musara makata. Si ces lois, kama hii mashiria, qui soutiennent le soleil, ile inashika, qui soutiennent la lune, yua, na qui soutiennent les étoiles, viennent de cesser devant Dieu, kama inashimama mbele ya Bwana, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant Dieu. Kama masheria ile nashika juu na Mungu nashimama na na kizazi ya Israeli na kizazi. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Bwana anasema. Si les cieux en haut peuvent être mesurés. Kama mbingu inaweza kupimwa. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. Kama misingi ya dunia inaweza kupimwa. Alors je rejeterai toute la race d'Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Est-ce que vous suivez ce que l'Éternel dit? Allez à l'égard d'Israël. Israël. Dieu a une alliance éternelle avec Israël. Israël, Mungu agano ya milele. C'est pourquoi, mana, après le salut des nations, mataifa, Dieu sera obligé de retourner à nouveau à Israël, Mungu tena Israël pour lui accorder son salut ya kumpatia okofu yake, et achever la 70e semaine tu as kumaliza ile juma ya makumi saba qui était resté au 70 semaines de Daniel ile ilibakiaka kwa juma makumi sita qui fut interrompu à la 69e semaine ile walisimamisha kwa juma makumi sita na kenda. Voici tazameni, les jours viennent, dit l'Éternel, masiku kuna kuja wa milele où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Ile muji bataijenga kwa ajili ya kuheshimia wa milele. Quand vous prenez Romains chapitre 11. Mukichugua Warumi sura 11. Romains au chapitre 11. Warumi sura 11. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 31. Tuanzie mstari wa kwanza ufike 31. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture raconte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Mimi Mungu nalilichungia watu 1700. Qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Wale hawakumtwangie Baal magoti. Verset 5. Mstari ya 5. De même aussi. Hivyo hivyo. Dans le temps présent. Wakati ya sasa. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Huku mabaki kufuatana na kuchaguliwa kwa neema. Oh. Japo. Si c'est pas la grâce. Kama ni kwa neema. Ce n'est plus pas les œuvres. Haina kupitia matendo. Autrement. La grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement les œuvres, n'est plus une œuvre. Vous voyez, dans le verset 7, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont endurci. On est endurci. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Dieu a donné à Israël un esprit d'assoupissement. Israël des yeux pour ne point voir, c'est-à-dire leur Messie. Et des oreilles pour ne point entendre. Et jusqu'à ce jour, quand je vous parle ici, et David dit, na Daudi anasema, que leur table soit pour eux un piège. Na meza yabo ipate kuwa kwamba mtego. Un filet, makila, une occasion de chute, shina kikwazo, et une rétribution. Na malipo. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Macho yabo ipofushwe juu basione. Et tiens, leur dos continuellement courbé. Mikongo yabo yenye yendele kukunjama. Yendele, chunga mikongo, mikongo yabo yenye kukunjamisho. Tien leur dos continuellement courbé. C'est courbé où? Inakunjama wapi? C'est courbé dans la loi de Moïse. Inakunjama musheria ya Musa. Parce qu'ils n'ont pas vu. Wani hawakuone. La loi de Christ. Sheria ya Kristo. Ils n'ont pas vu la grâce de Christ. Abakone mo neema ya Kristo. Ils voulaient recevoir le salut par la loi. Balipenda bapate wokovu kupitia sheria. Ils n'ont pas vu leur Messie. Abakumuone masia wapo. Ils l'ont rejeté. Balimukata. Ils l'ont tué. Balimuua. Ils ont même réclamé son sang. Balilomba ta damu yake kwa yule yabo. Juu ya nini? Parce que Dieu. Wani Mungu. Leur avait aveuglé leurs yeux arrivapofusha macho pour que les salis soient accessibles. Juh. On a su okovu ipate kuenda kwa baba taifa. C'est ainsi jusqu'à ce jour. Ndio kwa maana kufika na leo. Il continue à croire dans la loi de Moïse. Anaendelea kuamini paka sheria ya Musa. Verset 11. Mstari wa 11. J'ai dit donc. Mina sema basi. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Eti ni juu ya kuanguka ndio pale barikotola? Loin de là. Bari na ile. Mais par leur chute. Lakini kupitia kuanguka kwao est devenu accessible au païen. Okofu inaenda sasa kwa mataifa. Afin qu'il soit excité à la jalousie. Ili wapate kula mwisho kubuifu. Si Dieu. Kama Mungu. Aveugle leurs yeux. Alipofusha macho zao. C'est pour notre bien. Ni juu ya vizuri vyetu. C'est pour que le salut. Ni juu ya okofu. Aille du côté des nations. Yende kwa watu ya mataifa. Pour que les élus aussi soient sauvés. Tuwateule nao waokolewe. Afin d'exciter la jalousie d'Israël. Ili wapate kula mwisho buivu wa Israeli. Oh. Japo. Verset 12. 12. Oh. Japo. Si leur chute a été la richesse du monde. Kama kuanguka kwao ilikuwa ndio mali ya ulimwengu. Leur amoindrissement. Na kukataa kwao. La richesse des païens. Inakuwa mali ya wapagano. Combien plus en sera-t-il ainsi? Basi itakuwa mara ngapi? Quand ils se convertiront tous. Wakati ile watamini bote. Ce sont des écritures que nous lirons plus tard. Ni maandiko ile tutasoma baadaye. Vous voyez, unaona, comme nous l'avons déjà dit, paka vile tuisha miambia, que Dieu sauve Israël. Ya kwamba Mungu yuko naokola Israeli. Sawa taifa mzima. Ils se convertiront tous. Bote bataamini. Lorsque le temps des nations. Wakati ya mataifa. Prendra fin. Pale itamalizika. Dans le verset 13. Mstari wa 13. Je vous l'ai dit à vous païens. Na miambia nini watu wa mataifa. En tant qu'apôtre des païens, kawa mutume wa je me glorifie de mon ministère. Ninajitukuza juu ya utumishi wangu. S'il est possible, ya kwamba kama inawezekana, d'exciter la jalousie de ces démarras, ya kulamusha buivu ya watu ya kizazi yangu, et d'en sauver quelques-uns, na kuokoa moba moja. Verset 15, 15. Kwani, si leur mise à l'écart, kama kukataliwa kwabo, kuweka kwabo kumpembeni, kuweka kwabo pembeni, a été la réconciliation avec le monde, ilikuwa ni Dieu kupatanisha ulimwengu, quelle sera leur réintégration, itakuwa je wakati ile watarudi, sinon le passage de la mort à la vie, maana yake ni kutoka kulufu na kwenda kuzima. Vous voyez, munaona, donc Dieu, manake Mungu a promis alilaka qu'il va sauver Israël, ya kwamba ataokoa Israeli, Israël se convertira, na Israël atageuka. Dieu a promis, Mungu alilaka, qu'Israël comme l'arbre véritable, ya kwamba Israël sawa muti ile ya byakweli, va réintégrer, itarudia. Vous voyez, munaona, oh, japo si les prémices sont saintes, kama malimbuko yako takatifu, et la masse l'est aussi, na kundi nayo yako takatifu, et si les racines sont saintes, kama mizizi yako takatifu, les branches le sont aussi, manake matawi nayo yako takatifu, mais si quelques-unes des branches, alakini kama matawi mingine, ont été retranchées, bali kata na kuitosha, et si toi, kama weye, qui était un olivier sauvage, weye ulikuwa muti ya pori, tu as été graffé à leur place, bali kuchomeka pa fazi yabo, et rendu participant à la racine, manakuweka ushiriki kumuzizi ya muti, tu diras, utasema, tu diras donc, utasema basi, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Matawi bali tosha juu nipate kuchomekwa. Cela est vrai. Ile ni ya kweli. Elles ont été retranchées. Bali tosha. Pour cause d'incrédulité. Kwa ajili ya kutokuamini. Et toi tu subsistes par la foi. Wewe unadumu ni kwa imani. Et ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alakini ushiriachire kukiburi uogope. La parole maintenant s'adresse à nous. Neno la Mungu inatuambia sisi. Si Israël. Israël a été coupé. Israël wali mukata. Pour que nous les païens nous soyons attachés. Je assiste au pagan tu pas te gouchomek. À l'arbre principal. Umuti ya musingi. Pour être nourri par les racines principales. Ili tu pas te gulisho kumuti ya asili. Il a été coupé à cause de son orgueil. Wali mukata kwa ajili ya kiburi yake. Vous voyez? Munaona? Et nous avons été greffés à sa place. Na sisi bali tu chomeka pa fazi yake. Et nous allons rester greffés. Tutaendelea kuchomekwa. Aussi longtemps que nous marchons dans la crainte, dans la foi. Wakati yote ile tunaendelea kutembea mboga na mumbani. Kama na sisi tunashikwa na kiburi, tunasema hapana. Il a été tranché pour nous. Bali mutoshe pia tu. Sina naye mambo tena. Ça c'est une séduction. Ile ni utongozi. Et Dieu est capable aussi de vous retrancher. Mungu yuko na uwezo wa kumikata. Et de réintégrer. Na kurudisha Israël. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Kwani verset 21. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Kama Mungu ashikwe pushe ile matawi ya asili. Naye pia asita kuepusha. Uangalie basi wema. Et la sévérité de Dieu. Na ukali wa Mungu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Ukali mbele ya wale wamebanguka. Bonté de Dieu envers toi. Wema wa Mungu mbele yako. Si tu demeures ferme. Kama ukibakia imara. Dans cette bonté. Ile wema. Autrement kama tu seras aussi retranché. Kama ina vile na wewe bataukata. Et de même, wow, vile vile. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, kama wadumu mkuto kwa mine, ils seront greffés, watawarudisha tena kumuti, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Kwani Mungu yeye kuna uwezo juu ya kuwarudisha tena kumuti. Si toi, kama wewe, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, kumuti ya asili kufatana na hali yako, contrairement à ta nature, à l'olivier franc, na kukuchomeka kumuti ya asili. À plus forte raison, Marangapi. À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Marangapi wao watawarudisha kuali kwa asili yao kumuti yao ya asili. Car, je vous le dis frère, na wambia wanduku, que vous ignorez ce mystère. Mishipende mupate kukosa kujua hii. Afin que vous ne vous regardez point comme sage. Ili mushijione sawa waisma. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ya kwamba kipande moja Israël iliamka mtoko. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Kufika na pale bote bapagano bapate kukosa. Ainsi tout Israël sera sauvé. Verset 26. Israël musima itaokolewa. Selon qu'il est écrit. Il est méandikwa. Le libérateur viendra de Sion. Mukombozi atatokea Sion. Et il détournera de Jacob les iniquités. Atatoshe Jacob kuovu. Et ça sera mon alliance avec eux. Itakuwa agano yangu nabo. Lorsque j'ôterai leur péché. Wakati nitaondosha dhambi zao. En ce qui concerne l'évangile. Wayenye kuelekea injili. Ils sont ennemis à cause de vous. Wao wanakuwa waadui kwa ajili yenu. Mais en ce qui concerne l'élection. Wayenye kuelekea kuchaguliwa. Ils sont aimés à cause de leur père. Wanapendwa kwa ajili ya baba zao. Car les dons et les appels sont irrévocables. Wani mito na mazawadi hakuna namna kuijuta hayo. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. De même. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Hivyo hivyo na moyo zamani mulikosa kumtii Mungu. Et que leur désobéissance. Et que par leur désobéissance, na ili kupitia kutokutii kwao, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Mulipata rehema. De même. Hivyo hivyo. Ils ont maintenant désobéi. Nao sasa wanakosa kutii. Afin que par la miséricorde. Ili kupitia rehema. Qui vous a été faite. Ile walinifanyia. Ils obtiennent aussi miséricorde. Nao pia wapate rehema. Car Dieu a renfermé tous. Kwani Mungu alichunga wote. Tous les hommes dans la désobéissance. Watu wote mkutokutii. Pour faire miséricorde à tous. Dieu a kufanyia rehema watu wote. Vous voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Donc vous comprenez. Manake munaelewa. Que après le salut des nations. Ya kwamba kisha wokovu ya mataifa. Dieu n'a pas rejeté complètement Israël. Mungu ashukatale kwa lote Israeli. Il va retourner à Israël. Atarudiria katena Israeli. Dans Esaïe 62. Mu Isaïa 62. Dans son verset 1 il dit ceci. Mustari ya kwanza sema hivi. Esaïe 62. Isaïa verset 1. Pour l'amour de Sion. Kwa ajili ya mapendo ya Siona. Je ne mettrai point. Siwezi kama kukaa kimya. Pour l'amour de Jérusalem. Kwa ajili ya mapendo ya Yerusalemu. Je ne prendrai point de repos. repos jusqu'à ce que vous voyez son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, bien aimé frère et soeur, c'est ainsi que Dieu fera avec Israël. L'église est avec moi. Alors comprenez que j'insiste beaucoup sur les conséquences de la mort de Christ. Les trois conséquences de la mort de Christ. Parce que si vous comprenez cela, vous n'aurez pas de la confusion même quand vous lisez Frère Branham. Et vous comprendrez qu'après le départ de l'épouse, il y a encore une semaine entière qui est réservée pour le salut d'Israël afin d'achever tout le plan qui était conçu dans les 70 semaines de Daniel. Ce plan qui fut arrêté par la mort de Christ en l'an 33 à l'accomplissement des 69 semaines de Daniel. Alors que le salut a tourné maintenant vers les nations. Jusque maintenant, je pense que tout est clair. Est-ce que tout est clair jusqu'ici? Comme le temps est arrivé à la fin, demain nous continuons avec la récapitulation. Mais nous allons maintenant avancer vers autre chose. Voyez bien mes frères et sœurs. Donc que retenez dans votre cœur que le rejet d'Israël, à la 69e semaine, lorsqu'ils furent aveuglés, cela ne signifie pas devant Dieu qu'Israël a été rejeté définitivement. Et Dieu n'aura plus à traiter avec Israël. Non. Il y a encore une semaine qui est réservée pour le salut d'Israël. Et cette semaine-là va commencer après que la totalité des nations soit entrée. Et la totalité des nations s'accomplit dans les sept âges de l'Église. Comme l'avons déjà montré, parce que c'est dans les sept âges de l'Église que Dieu traite les saluts des nations. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Donc, ils ont une alliance éternelle à cause de leur père. Et Dieu a un amour éternel envers eux. Parce Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu prononce une parole, il est obligé de l'accomplir. Peu importe votre infidélité, mais lui va accomplir sa parole. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Oui, bien mes frères. Donc, Dieu a aveuglé Israël pour que le salut d'Israël nous soit accessible, pour que nous formions aussi la même famille avec Israël, pour que nous participions à son alliance, à ses promesses, à ses bénédictions. Voyez bien mes frères, nous étions un peuple sans alliance, nous étions un peuple sans promesse, nous étions un peuple sans bénédiction, mais il fallait que Dieu lui-même appelle Israël, qu'Israël rejette leur Messie, et après qu'il soit rejeté, que Dieu aussi tourne les yeux vers les nations pour sauver sauver les individus, ya kuokoa watu binafsi, afin qu'ils les attachent à Israël, ili wapate kuambatanisha na Israeli, ensemble avec eux, ili wapate kuiriti pamoja na Israeli. Sisi sawa bibi harusi, nous avons beaucoup de privilèges, tukuna mabati mingi Israël, kushindia Israeli. Le premier wa kwanza seront les derniers, wa kwanza watakuwa wa mwisho, et les derniers seront les premiers, wa mwisho watakuwa wa kwanza. Vous savez qu'Israël, unajua kwamba Israeli, ila pas dans l'enlèvement, hastaenda mkunyanyuliwa. Il y aura seulement quelques individus, utakuwa tu watu binafsi kidogo kidogo, parmi la nation israélite, katikati ya taifa Israeli, parmi les fous des nations, wani bibi ya yarusi, wa mataifa, de toutes les nations de la terre, anatungwa na mataifa yote ya ulimwengu. Comme Israël aussi est une nation, kama vile Israel nayo ni taifa, il y a des individus, utakuwa watu binafsi, qui sont sauvés, wale wenye kokolewa, wale wale muamini Bwana Yesu individuellement, wa binafsi, et Dieu les a sauvés, na Mungu aliwaokola, ils seront dans l'épouse, nao watapatikana ndani ya bibi harusi. Lakini Israel sawa taifa mzima, hastashiriki kwenda mkunyanyuliwa, hastaenda kukaramwa mwana kondoo. Unaona mwanda mpendo, et même dans les millénium, hata mutawala wa miaka elfu, nous serons dans le palais avec le roi, sisi tutakuwa mchumba pamoja na mfalme. Nous avons maintenant plus de privilèges, tunakuwa na mabaraka mingi qu'Israël, ushindia Israeli. Nous avons obtenu aussi une grande grâce, tulipata neema mnene. C'est pourquoi, mana, comme Paul l'a dit ici, sawa vile Paulo alisema, apana kucheza na okovu, il faut pas jouer avec le salut. Okovu kupanda mataifa, iko na muda. Le salut du côté des nations a un temps, une durée bien déterminée. C'est pourquoi nema, nema ya milele. Tout cela qui prêche une grâce infinie. Beko na landa bantu bon. Il demande aux gens. Neema ku wakati ya mataifa iko na wakati, la grâce du côté des nations a une durée bien connue. Katikati ya vizazi saba ya kanisa, compté dans les sept âges de l'église. Voyez bien mes frères, voyez ndugu mpendwa, voyez bien mes sœurs, nous allons continuer demain, tutaendelea kesho. Nous commencerons à partir de là, tutaanzia paka hapa. Que Dieu vous bénisse, Mungu amibariki. Si nous terminons la récapitulation jusque demain, tukimaliza mukurudia mahubiri, alors dimanche on va entrer dans les choses très sérieux. Manake msiku ya juma tutanze bitu bingine bipya. Sur lesquels je demanderai à tout frère d'être là et de suivre. Bile ntalomba kila nduku apate kuya kuna apate kufata. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous devons remercier le Seigneur. Tunapashi mshukuru Bwana Mungu. Pour son amour, son grand amour envers nous. Kwa ajili ya mapendo yake mnene kwetu. Pour avoir aveuglé son propre fils. Bila alipofusha mwana wake mwenyewe. Il a écarté de la grâce. Alimweka pembeni kumtosha mneema. Pour nous faire entrer dans la grâce de son fils. Kuingiza sisi mneema ya mwana wake. C'est une grande grâce. Ile ni neema mnene. Quand un véritable chrétien comprend cela, wakati mkristo akuja anaelewa vile. Il aimera le Seigneur de tout son cœur. Atampenda mwana Mungu na moyo wake wote. C'est comme un papa dans la chair. Sawa mzazi mumwili. Il écarte son propre fils héritier de la royauté. Anatosha mwana wake mpendwa mfalme. Anachukua mtumwa. Il lui donne la royauté. Anampatia mfalme. Comprenez-vous cela? Eti mnaelewa ile? Comprenez-vous cela? Eti mnaelewa ile? Quelqu'un rejette son propre fils biologique. Mungu anakatana mtoto wake wa kujizalia. Il écarte de la royauté. Anamtosha mfalme. Il prend un esclave. Anachukua mtu mtumwa. Il ne veut pas du sang royal. Asipokuwa mkizaji wa mfalme, anamweka kuwa mfalme. Levons-nous pour la prière. Simame juu ya maombi. Si nous comprenons cette grâce, kama tunaelewa mzuri neema, nous devons beaucoup remercier le Seigneur, tunapashi sana, et ne plus jamais jouer avec, avec le salut de nos âmes. Na wokovu ya nafsi zetu. Prions-nous tous ensemble. Tuombe sisi wote pamoja. Seigneur, merci.